On va parler du ban des castors de Dolbeau, les castors qui ont été éliminés il y a quelques temps contre le Marcos Swab de Saint-Fichon. On n'avait pas fait le bilan de l'année, mais là, on va le faire avec Robin Bouliane. Salut, Robin. Salut, Danny. Robin, cette année, ça a été une année que je qualifie en deux temps. Premier, ça a bien fini l'année. La première partie de l'année, ça a été difficile. Je me rappelle d'avoir fait une coupe d'entrevue avec toi, puis tu semblais pas trop paniqué. Toi, tu voulais vraiment que ça progresse dans le bon sens. Et c'était ça. Mais est-ce que le fait que les castors n'ont pas eu d'année l'année passée, ça a fait en sorte que ça a mal débuté chez Chapeau de Roux? Ben, c'est sûr que ça l'a pas aidé, certainement. On se retrouvait au départ avec une équipe. Il fallait faire une équipe double lettre et jette avec 35 joueurs inscrits. Alors que dans les autres municipalités, les autres villes, on est au-dessus de 90. Donc, c'est... En partant, là, on tombe désavantagé à cause de ça. Puis si on rajoute le fait que l'an passé, il n'y a pas eu d'équipe double lettre, donc on a des joueurs deuxième année midget qui auraient pu jouer une expérience midget 2B l'an passé, mais qui n'ont pas pu à cause qu'il n'y avait pas d'équipe. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Okay. On s'attendait à ça de toute façon. Je pense qu'on s'attendait à un début de saison plus difficile. C'est ça qu'on a eu, mais par contre, je pense que les gars, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas abandonné. On a travaillé fort durant les pratiques, puis on a eu le résultat qu'on a eu. Puis il a fallu, j'imagine, faire un job mental assez fort pareil pour pas décourager. Ça aurait été facile pour un autre bord, là. Ça, c'est sûr. Écoute, j'ai fait beaucoup de psychologie cette année. Ouais. Comme j'en ai jamais fait. Mais tu sais, le hockey, c'est pas juste le talent, c'est pas juste. Il y a tout le travail. Puis il y a toute la gestion des émotions autour d'une partie de hockey aussi là, qui rentre en ligne de compte. Puis ça, à ce niveau-là, je peux être fier de mes joueurs parce qu'ils ont appris à comment gérer les émotions, gérer la game. Puis c'est un peu à cause de ça qu'on a eu des bons résultats en cette saison. Ouais. Est-ce que votre victoire à Beauport, votre tournoi là, ça a été c'est là que le vent un peu viré de bord? Oui, je te dirais que c'était tout de suite après les fêtes, puis on sentait que les jeunes, tu sais, ça travaillait très fort dans les pratiques, on avait une bonne attitude, une bonne éthique de travail, puis oui, c'est vrai que ce tournoi-là, il a été quand même un moment important durant notre saison, parce qu'on est arrivé là-bas, on était prêts, confiants, puis on a gagné nos 6 parties qu'on avait là, à jouer là-bas, là. Donc ça nous a donné un petit boost pour la fin de la saison puis le début des séries aussi. OK. Dirais-tu que la Ligue Midget Régionale, Midget 2B, là, parce que tu me dis ça, tu as gagné là, le tournoi, c'est une des plus compétitives au Québec de voter au sein de la CG? Définitivement, sans aucun doute. On l'a vu d'ailleurs, il y a d'autres équipes de la région qui ont été à l'extérieur et qui ont remporté des tournois aussi. Donc, c'est une bonne affaire parce que tu sais c'est bon pour nos jeunes qui doivent batailler puis ils s'améliorent plus durant ce temps-là. Donc quand c'est plus faible, ben là t'as tendance à slacker la pédale un peu. Mais là nous autres on n'a pas eu à faire ça. Il a fallu travailler d'arrache-pied là, tout au long de la saison. Donc oui, notre ligue est très forte dans notre région. OK. Robin. Puis je sais pas qui va gagner la série, c'est que présentement, je crois c'est 3-1 là maintenant. 3-1, ouais. 3-1, ouais, c'est ça. Donc, le gagnant de cette série-là, il y a des bonnes chances d'aspirer à la finale de la Coupe d'Otte. Ouais. Robin, si on parlait un peu de ce qui s'en vient, est-ce que les Castors vont avoir une bonne équipe l'an prochain? Le Bantam, ça a quand même été positif, mais ça, ça ne veut pas nécessairement dire que parce que le Bantam, c'était bon que les Castors vont être bons. Il y en a qui vont aller au scolaire. Ça s'est rendu quasiment un circuit compétitif au civil. Mais est-ce que tu vois, là, as-tu eu des bonnes recrues cette année qui vont être des bons vétérans l'an prochain, puis les Castors, il faut s'attendre à des effets positifs? Écoute, si je regarde pas ce qui s'en vient, quand même, on garde quand même un bon noyau dans l'équipe Midget 2B, là, actuellement. On avait des joueurs de première et de deuxième année qui vont rester là. Donc, un bon noyau. Évidemment, dans le Bantam 2B, on a des bons jeunes aussi qui s'en viennent. On a aussi, peut-être, on ne le sait pas, il y a des jeunes qui étaient au cadet cette année, qui on ne sait pas c'est quoi qu'ils vont faire l'an prochain, est-ce qu'ils vont juvenir, est-ce qu'ils vont revenir. Ouais. Mais oui, moi je pense que je vois ça d'un bon œil, là, l'avenir des castors, là, avec les jeunes qu'on a et les jeunes qui s'en viennent. OK. Hey, j'étais en train d'oublier quelque chose, un facteur important, excuse-moi, dans la, Philippe Leroyer, le fait qu'il ait été blessé, est-ce que si Philippe aurait été là, est-ce que vous auriez été capable de livrer une meilleure lutte au Marcos Pub en finale? Ah, c'est sûr que Philippe nous a manqué son aspect physique. C'est un vétéran de 3 saisons ici, son aspect physique. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il a quand même été notre meilleur marqueur durant la saison. Bon, c'est un qui avait quand même une bonne défensive. Bon, 1 ou 2 buts de plus par match, peut-être que ça aurait fait la différence. Okay. Est-ce que ça aurait fait la différence qu'on aurait gagné? Je ne sais pas, mais c'est sûr que ça ne l'a pas aidé pour nous autres. Parce que c'est sûr que moi, ce qu'on me dit, c'est que le gardien de but était très fort, puis finalement, peut-être qu'il manquait un peu de punch à l'attaque. Est-ce que Robin Boulian revient l'an prochain? Écoute, j'ai pas pris de décision encore. Puis je veux pas en prendre une trop rapide. Je veux voir un peu, là, prendre du temps un peu pour moi, parce que vous savez que c'est quand même... Ouais. Ça demande beaucoup de temps, là, de préparation pour des pratiques, puis préparation pour les games, puis avec tout le travail, le business. Donc, oui, effectivement. Je vais regarder ça. Je vais regarder aussi, je veux savoir un peu s'il y a des intérêts aussi. Des assistants d'entraîneurs qui étaient avec moi ou d'autres personnes qui se manifestent. Et OK. Ça, ben, on va prendre une décision. OK. Robin, il y a une nouvelle importante, moi, je pense, qui est survenue en fin d'après-midi. La Cité étudiante de Roberval a annoncé qu'il va... Ben, ça a été annoncé il y a quelque temps qu'il va avoir une équipe à Cité étudiante de Roberval au niveau scolaire. Et là, on est allé chercher une grosse pointure. Simon Gaudreau, qui était l'entraîneur adjoint chez les Saguenay-Chicoutimi, devient l'entraîneur-chef et il va s'occuper du programme hockey de la Cité étudiante. Ça prouve qu'on est sérieux à Roberval. Puis ça, on va certainement aller dans le civil. On va certainement aller piger dans le civil. Comment tu vois ça? Écoute, c'est sûr que c'est toute une nouvelle. Puis, écoute, ça fait partie un peu de toutes depuis les dernières années, là. Les équipes qui pleuvent un peu partout à travers le Québec dans le niveau scolaire. Puis je pense que, c'est mon opinion, je pense qu'on est rendu à la croisée des joueurs. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir 2 entités qui s'arrachent les joueurs. Là, on se retrouve avec du hockey qui est dilué, qui est inéquitable aussi. Dans certains cas, si tu regardes le cadet à Alma cette année, ils ont pas perdu un match durant l'année. Oui, peut-être qu'ils ont une bonne équipe, mais aussi il faut regarder peut-être quel calibre. Il est peut-être pas égal partout là, dans la province. Puis, ouais. C'est normal parce que là, il y a, dans les autres régions, bon, t'as la structure qui est le 3A puis le 2A qui va tirer des joueurs, alors que le côté scolaire qui vont chercher des joueurs. Mais je pense qu'on est rendu à la croisée des chemins pour faire une seule entité, puis oui, moi je crois fortement qu'il faut que ça passe par le scolaire. Mais Robin, on ne se contente pas d'histoire, là. T'as dirigé parce que c'était pour rendre service, parce que là, je te connais avec la business, puis avec tout ça, oui, t'aimes ça, mais tu t'en passerais aussi, tandis que là, si t'avais une ressource et qui est là, les gens là se creuseraient pas la tête. Qui va diriger? On sait que ça va être Simon Gaudreau qui va être dirigé, puis on sait qu'il va être bien encadré, ce programme-là. Tandis que ben souvent en civil, c'est des bénévoles là qui font ça, puis ils n'ont pas absolument le choix. Absolument, puis j'ai été responsable des entraîneurs pour l'hockey mineur il y a quelques années, puis écoute, on avait de la misère à se trouver des entraîneurs. Pour ça que je dis qu'il faut absolument que ça passe par le scolaire, parce que ça réglerait 2 choses, c'est que, 1, c'est fini le problème d'entraîneur, parce que là, on aurait des jeunes entraîneurs qualifiés aussi pour entraîner. Puis, on aurait aussi l'aspect, bon, ben, les jeunes, ils s'améliorent quand ils passent du temps sur la classe. Donc, si on aurait un programme sport-études qui irait à l'école le matin, puis en après-midi, il irait sur la classe pour s'améliorer avec des bons entraîneurs, là, je pense que on a la formule gagnante. Oui, effectivement. Tu as raison. Là. Ouais. Moi, je crois fortement à ça. Puis, des jeunes qui veulent l'entraîner, là, je suis certain qu'on va en avoir. Alors que c'est moins évident dans le système de hockey mineur qu'il faut qu'il fasse ça le soir. Puis il faut quasiment qu'il ferait des coups pour coacher parce qu'on n'a pas de salaire dans l'hockey mineur. Ben Robin, oui, effectivement, je suis très d'accord avec toi. Robin, félicitations pour ton travail. Bravo encore une fois. Puis j'ai l'impression que c'est plus oui que non. Sauf que j'ai bien aimé ça collaborer avec toi tous les jeudis, puis on va peut-être s'en reparler cet automne. Parfait, Denis, merci. Voilà, donc l'instructeur-chef des Castors de Dolbeau, Robin.